Jésus a parlé, je veux croire.

Cherche avec soin sa

nous allons lever une petite prière par rapport à ce chant que nous allons faire. Oh, tu m'as dit. Veillez sur nos cœurs. Nous voulons savoir entre nous faire et savoir si nous veillons vraiment sur nos cœurs comme le chant de Dieu. Il faut lever une prière et remercier le Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons pas être ici ce soir. Et que nous veillons, prier, d'être toujours prêts, en sorte que l'ennemi ne tente point. Soumettons nos cœurs et nos pensées entre les mains du Seigneur. Que lui-même y règne dans nos pensées. Amen. Et qu'il dispose nos cœurs pour ce soir. Amen. Père de Dieu, nous continuons à lever nos voix, Seigneur, nos vies en toi, nos pensées, Seigneur, nos cœurs. Afin, Seigneur, qu'on puisse nous retrouver, mais au Père, pardon, Seigneur, nous te donner d'être connecté à toi. Seigneur, dans ce que nous chantons par notre volonté, Seigneur, par notre force, Seigneur, mais par ta puissance, au nom de Jésus. Parce que quand nous nous soumettons à toi, Seigneur, te soutenons pleinement. Mourut sur la croix, il m'offre sa grâce.

126. L'ordre circulaire. Donc c'est qu'il est frappé pour moi. Tu vois mes luttes et ma douleur.